Je redénise sur vous, et si vous comprenez pas que c'est que mon passé est fait mouche, ça pue la merde, c'est la demeure, pas vraiment le temps de faire mou. J'en dis aussi les couilles, on va pas me casser les couilles, reste à l'écoute, t'es pas bougé, car je sens que ça va être bougé d'après, pas besoin. Faut que j'en fasse un dessin, mon œil, je sens ces boulots, pour t'acheter du bien, que ça descend, ouais. Vous me faites chier vraiment, j'ai des sceptiques sur les fonds, mais maintenant on est vraiment très mal, eux-mêmes médite, car l'autre est resté, pris la radure d'un fan bêta, ou dans un love, tu le pèques, tu es resté, ouais. Faut se remuer, ouvrir les yeux, et bien savoir où vous êtes dans cette vie de merde. Tremper jusqu'au cou, on ne peut pas merder. Et merde, on n'a pas pour s'en sortir. La chasse ouverte pour qu'on se tire. C'est du rap des coups, un petit texte de merde, du rap des coups. Cette vie nous pousse à bout et sans tourner autour du pont, il faut que ça sorte. Car la seule porte que l'on nous laisse ouverte à nous, c'est celle des chiottes. Les problèmes font surface et les projets tombent à l'eau. Cette vie me fait tellement chier que pour tout avouer, je suis au bout du rouleau. Plus rien n'est done quand je vois que la merde et la vie sont combinées. Y'en a bien qui font des années d'études pour ouvrir leur cabinet. J'ai calciné cette fillette, causée par des cœurs. Une grosse bête que je crois que ta mère t'a couché par les seufs, j'ai le seum. Alors pour décrire ma ville, j'emploie pas solitaire. Ma haine solidaire, j'assume ce que je digère pas en quelques vers solidaires. On reste solidaire pendant que tes potes se lâchent au bord du groupe. Ce monde a touché le fond, ça t'embouche un coin, tout comme l'affaire du rêve. Le pipe, des culs de route, roulé en Porsche par mes ennemis de leur dire. Les gars s'agacent alors ça mène la même vite, leur dit. Mais pour l'instant, je n'ai pas de bif. Mais ma mission, c'est que les auditeurs fassent toujours dans leur calcif, con. Je m'attesse comme le texte de merde, ta merde. Je rêve de merde, le verbe feu libre, n'a pas tant à perdre. Je reste sceptique dans ma peau, c'est vite les chemins qui me seront freinants. Dans cette France que je la bouge, j'aime excrément. C'est pointless, les mecs qui veulent remplir la place. Où est-ce le mec qui attire des tasses, comme il tire la chara. K-K-E-E-M-A. Attention, MSD, la troupe d'action, c'est la mentale que nous nous fuyons. Donc fuyez. Moi je suis malade, mais je n'ai pas la chaude pisse. Contrairement à d'autres, je sens pas si le liquide, mais pas le temps. Quand vient l'envie de s'aérer, d'en avoir chié et d'en chier. D'avoir mangé un jour, puis le lendemain, avoir encore de gros besoins, c'est ça qui me fait chier. C'est pas le schéma de la chaîne alimentaire, mais j'ai l'impression de me faire bouffer. Ça fout la merde, tu fous ta gueule quand ils te disent que tout se passe dans leur dos. C'est fou qu'aujourd'hui on recycle mal les eaux. La merde c'est pour tout le monde, mais aujourd'hui tout le monde de la repousse. Dans un conduit, on est des cheveux face à ceux qui ne retroussent pas leurs manches, ne baisseront pas leurs pantalons, ils ont même une place. Oui, parmi tous nos pantalons, pour quand ils merderont et chouette qu'on leur pète la boîte à caca. À ces grand-mères de qui disent pas, j'ai fait pipi papa. Les pampans en ses cucu, c'est tentant et franchement ils l'auront voulu. Le monde on le pollue, mais crois-tu qu'on y évolue? Glandu, si tu cherches la merde, je vais dire direct que tu peux te mettre à droite dans le cul. Tes textes pètent pas, mais pourtant ils fouettent. C'est normal que je casse tous tes raps de merde. Me torcher pour tes torches, t'embrouiller pour tes brunes, de faire des chanter pour tes chansons. C'est ça pour con, qui est imprégné par le ghetto et son vécu. Arrête mytho et t'imprégner de la merde qui te colle au cul. Ça se sent dans tes textes et même ça sent trop fort. Faut déterre ta tête, ce serait mieux pour le confort. Pour toi ça va chauffer, je sais que t'es bientôt tu. Tes faces sont trop grillées, et oui j'ai refroidi. J'y vais à la chasse, perds sa face et toi t'as tout perdu. Je vais pas te sentir petit merdeux, tu t'es chié dessus. Le coup qui dépasse appelle toujours le marteau. Alors je remue le couteau dans la plaie, t'es scié par mes propos. Éjection verbale, production méprisable. N'étonne pas qu'aujourd'hui je t'appelle MC Trou de Balle. Ça sent l'odeur, oh là ça, ça sent le texte de merde. La rime foireuse, en quel honneur, ils veulent que je la digère. Un coup de tonnerre, car voyez-vous, tout ça bouge, j'en chie des boules de nerfs. Tout ça j'avoue, okay, okay. Ça bouge dans mon ventre. Accroupi, tourne les croûtes, porte fermée, je me concentre. Et comme un turc, je vise le trou. Mais contrairement à d'autres, moi je rappe avec la bouche. Et si la merde a pris la mouche, protège-toi, ça aide la bousse. Pousse, pousse, pousse, ça c'est juste un coup de gueule. Quand j'entends tes pros, et bien cousin, ça me fout le seum. Ambiance trop morose, je passe en mode en motocross. Toutes les feuilles pour la bonne cause, quand je déroule le rouleau rose. Pour les sceptiques, c'est la fausse qui s'impose. Il est gros, type, moi j'ai le rire, je le pisse. Brise les marches dedans, grâce à ça. Mais vois comment, c'est le jeu, je t'ai cassé le cul et torché ça. Ouais, faut que j'aille aux toilettes, je représente en droit l'état atroce. MS danger de la fausse, mais qu'on te rapproche, me dis pas que je suis constipé. Je fais de l'engrais, pas d'anglais, mon sens propage en grosse quantité. Quand je t'écuve, mec, ça se passe près de la cuvette. Les tentacules, c'est la merde, et tu crois que je monte mon cul peut-être. Donc je reste cool comme la scène dans les gousses à l'arsène. L'état veut t'niquer pas comme Larson. Marteau papier quand ça presse, mais pas trop. Reste au bout du tuyau quand refile la gastro. Donc à force, on voit ce qu'a bien pu nous.